est-ce le ciel qui tourne dans tes yeux? Est-ce la terre qui brûle dans ton ventre? Ou bien mon sein qui ne tourne pas rond? J'ai donné mon amour à ceux qui sont autour. J'ai tout donné l'amour et j'attends ton retour. Est-ce la terre qui bat dans ton cœur, ou bien mon sang qui brûle dans ton sein? De feu au cœur du sang. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi de t'aimer autant que l'amour t'aime.